Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a envoyé le 10 juillet, par l'entremise de sa représentation permanente à l'ONU, l'information qui annonce au gouvernement américain que nous prendrons des mesures d'action réelles, comme nous l'avons déjà indiqué dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères, relativement à ce que les États-Unis ont publié le soi-disant rapport sur les droits de l'homme chez nous et la liste des objets de la sanction spéciale pour porter atteinte à notre dignité suprême. L'information dit notamment « La mesure de sanction des États-Unis qui porte atteinte à notre dignité suprême est le forfait jamais connu de l'histoire et une déclaration de guerre contre nous, et nous la condamnons vertement. Puisque les États-Unis n'acceptent pas notre demande du retrait immédiat de la mesure de sanction, nous prenons, comme nous l'avons proclamé, des mesures d'action réelles par étapes, et la première est de bloquer complètement la voie de contact coréen-américain à New York, unique voie de contact officielle entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis. À partir de ce moment, tous les problèmes posés dans les rapports coréen-américains seront traités par la loi en temps de guerre de notre République. Le problème des Américains détenus ne fait pas exception, et la responsabilité de toutes les conséquences indésirables qui en découleront dans les rapports bilatéraux retombera entièrement aux États-Unis. Voilà notre position de principe.